Chapitre 7e. La rue de Chaillot. Nous précéderons de quelques heures M. Badinot, qui, de passage de la brasserie, se rendait en hâte chez le vicomte de Saint-Rémy. Ce dernier, nous l'avons dit, demeurait rue de Chaillot, et occupait seul une charmante petite maison, bâtie entre cour et jardin, dans ce quartier solitaire, quoique très voisin des Champs-Élysées, la promenade la plus à la mode de Paris. Il est inutile de nombrer les avantages que M. de Saint-Rémy, spécialement homme à bonne fortune, retirait de la position d'une demeure si savamment choisie. Disons seulement qu'une femme pouvait entrer très secrètement chez lui par une petite porte de son vaste jardin qui s'ouvrait sur une ruelle absolument déserte, communiquant de la rue Marbeuf à la rue de Chaillot. Enfin, par un miraculeux hasard, l'un des plus beaux établissements d'horticulture de Paris avait aussi, dans ce passage écarté, une sortie peu fréquentée. Les mystérieuses visiteuses de M. de Saint-Rémy, en cas de surprise ou de rencontre imprévue, étaient donc armées d'un prétexte parfaitement plausible et bucolique pour s'aventurer dans la rue fatale. Elles allaient, pouvaient-elles dire, choisir des fleurs rares chez un célèbre jardinier fleuriste renommé par la beauté de ses serres chaudes. Ces belles visiteuses n'auraient d'ailleurs menti qu'à demi. Le vicomte, largement doué de tous les goûts d'un luxe distingué, avait une charmante serre chaude qui s'étendait en partie le long de la ruelle dont nous avons parlé. La petite porte dérobée donnait dans ce délicieux jardin d'hiver, qui aboutissait à un boudoir, qu'on nous pardonne cette expression surannée, situé au rez-de-chaussée de la maison. Il serait donc permis de dire sans métaphore qu'une femme qui passait ce seuil dangereux pour entrer chez M. de Saint-Rémy courait à sa perte par un sentier fleuri, car l'hiver surtout, cette élégante allée était bordée de véritables buissons de fleurs éclatantes et parfumées. Madame de Lucenay, jalouse comme une femme passionnée, avait exigé une clé de cette petite porte. Si nous insistons quelque peu sur le caractère général de cette singulière habitation, c'est qu'elle reflétait, pour ainsi dire, une de ces existences dégradantes qui, de jour en jour, deviennent heureusement plus rares, mais qu'il est bon de signaler comme des bizarreries de l'époque. Nous voulons parler de l'existence de ces hommes qui sont aux femmes ce que les courtisanes sont aux hommes. Faute d'une expression plus particulière, nous appellerions ces gens-là des hommes courtisanes si cela pouvait se dire. L'intérieur de la maison de M. de Saint-Rémy offrait, sous ce rapport, un aspect curieux, ou plutôt cette maison était séparée en deux zones très distinctes. Le rez-de-chaussée, où il recevait les femmes, le premier étage, où il recevait ses compagnons de jeu, de table, de chasse, ce qu'on appelle enfin des amis. Ainsi, au rez-de-chaussée se trouvait une chambre à coucher, qui n'était qu'or, glace, fleurs, satin et dentelle, un petit salon de musique où l'on voyait une harpe et un piano, M. de Saint-Rémy était excellent musicien, un cabinet de tableaux et de curiosités, le boudoir communiquant à la serre chaude, une salle à manger pour deux personnes, servie et desservie par un tour, une salle de bain, modèle achevé du luxe et du raffinement oriental, et tout auprès, une petite bibliothèque en partie formée d'après le catalogue de celles que la maîtrise avait colligées pour le grand Frédéric. Il est inutile de dire que toutes ces pièces, meublées avec un goût exquis, avec une recherche véritablement sardanapalesque, avaient pour ornement des bateaux peu connus, des bouchers inédits, des groupes de biscuits ou de terre cuite de Clodion, et sur des socles de jaspe ou de brèche antique, quelques précieuses copies des plus jolis groupes du musée en marbre blanc. Joignez à cela l'été pour perspective, les vertes profondeurs d'un jardin touffu, solitaire, encombré de fleurs, peuplé d'oiseaux, arrosé d'un petit ruisseau d'eau vive, qui, avant de se répandre sur la fraîche pelouse, tombe du haut d'une roche noire et agreste, y brille comme un pli de gaz d'argent, et se fond en lames nacrées dans un bassin limpide où de beaux cygnes blancs se jouent avec grâce. Et quand venait la nuit tiède et sereine, que d'ombre, que de parfum, que de silence dans les bosquets odorants, dont l'épais feuillage servait de dais aux sofas rustiques faits de joncs et de nattes indiennes. Pendant l'hiver, au contraire, excepté la porte de glace qui s'ouvrait sur la serre chaude, tout était bien clos. La soie transparente des stores, le réseau de dentelles des rideaux rendaient le jour plus mystérieux encore. Sur tous les meubles, des masses de végétaux exotiques semblaient jaillir de grandes coupes étincelantes d'or et d'émail. Dans cette retraite silencieuse, remplie de fleurs odorantes, de tableaux voluptueux, on aspirait une sorte d'atmosphère amoureuse, enivrante, qui plongeait l'âme et les sens dans une brûlante langueur. Enfin, pour faire les honneurs de ce temple qui paraissait élevé à l'amour antique ou aux divinités nues de la Grèce, un homme, jeune et beau, élégant et distingué, tour à tour spirituel ou tendre, romanesque ou libertin, tantôt moqueur et gai jusqu'à la folie, tantôt plein de charme et de grâce, excellent musicien, doué d'une de ces voix vibrantes, passionnées, que les femmes ne peuvent entendre chanter sans ressentir une impression profonde, presque physique, enfin un homme amoureux surtout, amoureux toujours, tel était le vicomte. À Athènes, il eût été sans doute admiré, exalté, déifié à l'égal d'Alcibiade. De nos jours, à l'époque dont nous parlons, le vicomte n'était plus qu'un ignoble faussaire, qu'un misérable escroc. Le premier étage de la maison de M. de Saint-Rémy avait au contraire un aspect tout viril. C'est là qu'il recevait ses nombreux amis, tous d'ailleurs de la meilleure compagnie. Là, rien de coquet, rien d'efféminé, un ameublement simple et sévère, pour ornement de belles armes, des portraits de chevaux de course qui avaient gagné au vicomte bon nombre de magnifiques vases d'or et d'argent posés sur les meubles, la tabagie et le salon de jeu avoisinaient une joyeuse salle à manger où 8 personnes, nombre de convives strictement limité lorsqu'il s'agit d'un dîner savant, avaient bien des fois apprécié l'excellence du cuisinier et le non moins excellent mérite de la cave du vicomte avant de tenir contre lui quelques nerveuses parties de whist de 5 à 600 louis ou d'agiter bruyamment les cornets d'un crêpes infernal. Ces deux nuances assez tranchées de l'habitation de M. de Saint-Rémy exposées, le lecteur voudra bien nous suivre dans des régions plus infimes, entrer dans la cour des remises et monter le petit escalier qui conduisait au très confortable appartement d'Edward Patterson, chef d'écurie de M. de Saint-Rémy. Cet illustre coachman avait invité à déjeuner M. Boyer, valet de chambre de confiance du vicomte. Une très jolie servante anglaise s'étant retirée après avoir apporté la théière d'argent, nos deux personnages restèrent seuls. Edwards était âgé de 40 ans environ. Jamais plus habile et plus gros cocher ne fit gémir son siège sous une rotondité plus imposante, n'encadra dans sa perruque blanche une figure plus rubiconde, et ne réunit plus élégamment dans sa main gauche les quadruples guides d'un four in hand. Aussi fin connaisseur en chevaux que Tattersall de Londres, ayant été dans sa jeunesse aussi bon entraîneur que le vieux et célèbre Chiffney, le vicomte avait trouvé dans Edwards, chose rare, un excellent cocher et un homme très capable de diriger l'entraînement de quelques chevaux de course qu'il avait eus pour tenir des paris. Edwards, lorsqu'il n'étalait pas sa somptueuse livrée brun et argent sur la housse blasonnée de son siège, ressemblait fort à un honnête fermier anglais. C'est sous cette dernière apparence que nous le présenterons au lecteur, en ajoutant toutefois que sous cette face, large et colorée, on devinait l'impitoyable et diabolique astuce d'un maquignon. M. Boyer, son convive, valet de chambre de confiance du vicomte, était un grand homme mince, à cheveux gris et plats, au front chauve, au regard fin, à la physionomie froide, discrète et réservée. Il s'exprimait en termes choisis, avait des manières polies, aisées, quelque peu de lettres, des opinions politiques conservatrices, et pouvait honorablement tenir sa partie de premier violon dans un quatuor d'amateur. De temps en temps, il prenait du meilleur air du monde une prise de tabac dans une tabatière d'or rehaussée de perles fines, après quoi il secouait négligemment du revers de sa main, aussi soignée que celle de son maître, les plis de sa chemise de fine toile de Hollande. « Savez-vous, mon cher Edwards, dit Boyer, que votre servante Betty fait une petite cuisine bourgeoise fort supportable ?»« Ma foi, c'est une bonne fille, » dit Edwards, qui parlait parfaitement français. « Et je l'emmènerai avec moi dans mon établissement, si toutefois je me décide à le prendre. À ce propos, puisque nous voici seuls, mon cher Boyer, parlons affaires. Vous les entendez très bien. »« Moi, oui, un peu, » dit modestement Boyer en prenant une prise de tabac. « Cela s'apprend si naturellement, quand on s'occupe de celle des autres. » »« J'ai donc un conseil très important à vous demander. C'est pour cela que je vous ai prié de venir prendre une tasse de thé avec moi. Tout à votre service, mon cher Edwards. » Vous savez qu'en dehors des chevaux de course, j'avais un forfait avec M. le Vicomte pour l'entretien complet de son écurie, bêtes et gens, c'est-à-dire 8 chevaux et 5 ou 6 grooms et boys, à raison de 24 000 francs par an, mes gages compris. C'était raisonnable. Pendant 4 ans, M. le Vicomte m'a exactement payé. Mais vers le milieu de l'an passé, il m'a dit « Edwards, je vous dois environ 24 000 francs. Combien estimez-vous au plus bas prix mes chevaux et mes voitures ? Monsieur le vicomte, les 8 chevaux ne peuvent pas être vendus moins de 3 000 francs chaque, l'un dans l'autre, et encore c'est donné. Et c'est vrai, voyez, car la paire de chevaux de Phaéton a été payée 500 guinées. Ça fera donc 24 000 francs pour les chevaux. Quant aux voitures, il y en a 4, mettons 12 000 francs, ce qui, joint aux 24 000 francs des chevaux, fait 36 000 francs. Eh bien, a repris monsieur le vicomte, achetez-moi le tout à ce prix-là, à condition que pour les 12 000 francs que vous me redevrez, vos avances remboursées, vous entretiendrez et laisserez à ma disposition chevaux, gens et voitures pendant 6 mois. Et vous avez sagement accepté le marché, Edwards ? C'était une affaire d'or. Sans doute. Dans 15 jours, les 6 mois seront écoulés, je rentre dans la propriété des chevaux et des voitures. Rien de plus simple. L'acte a été rédigé par M. Badinot, l'homme d'affaires de M. le vicomte. En quoi avez-vous besoin de mes conseils ? Que dois-je faire ? Vendre les chevaux et les voitures par cause de départ de M. le vicomte, et tout se vendra très bien. Car il est connu pour le premier amateur de Paris. Où dois-je m'établir marchand de chevaux avec mon écurie qui ferait un joli commencement ? Que me conseillez-vous ? Je vous conseille de faire ce que je ferai moi-même. Comment ? Je me trouve dans la même position que vous. Vous ? Monsieur le vicomte déteste les détails. Quand je suis entré ici, j'avais d'économies et de patrimoine 60 000 francs. J'ai fait les dépenses de la maison comme vous, celles de l'écurie, et tous les ans, monsieur le vicomte m'a payé sans examen. À peu près à la même époque que vous, je me suis trouvé à découvert, pour moi, 20 000 francs, et pour les fournisseurs, 60 000. Alors monsieur le vicomte m'a proposé, comme à vous, pour me rembourser, de me vendre le mobilier de cette maison, y compris l'argenterie qui est très belle, de très bons tableaux, etc. Le tout a été estimé au plus bas prix, 140 000 francs. Il y avait 80 000 francs à payer, restait 60 000 francs que je devais affecter, jusqu'à leur entier épuisement, aux dépenses de la table, aux gages des gens, etc., et non à autre chose. C'était une des conditions du marché. Parce que sur ces dépenses, vous gagnez encore ? Nécessairement, car j'ai pris des arrangements avec les fournisseurs que je ne payerai qu'après la vente, dit Boyer en aspirant une forte prise de tabac, de sorte qu'à la fin de ce mois-ci, le mobilier est à vous comme les chevaux et les voitures sont à moi. Évidemment. Monsieur le vicomte a gagné à cela de vivre pendant les derniers temps comme il aime à vivre, en grand seigneur, et ceci à la barbe de ses créanciers, car mobilier, argenterie, chevaux, voitures, tout avait été payé comptant à sa majorité, et était devenu notre propriété à vous et à moi. Ainsi, monsieur le vicomte se sera ruiné, en 5 ans. Et monsieur le vicomte avait hérité d'un pauvre petit million comptant, dit assez dédaigneusement M. Boyer en prenant une prise de tabac. Ajoutez à ce 1 200 000 francs de dette environ, c'est passable. C'était donc pour vous dire, mon cher Edwards, que j'avais eu l'intention de louer cette maison admirablement meublée, comme elle l'est, à des Anglais, linge, cristaux, porcelaine, argenterie, serre chaude. Quelques-uns de vos compatriotes auraient payé cela fort cher. Sans doute. Pourquoi ne le faites-vous pas ? Oui, mais les non-valeurs. C'est chanceux, je me décide donc à vendre le mobilier. Monsieur le vicomte est aussi tellement cité comme connaisseur en meubles précieux, en objets d'art, que ce qui sortira de chez lui aura toujours une double valeur. De la sorte, je réaliserai une somme ronde. Faites comme moi, Edwards, réalisez, réalisez, et n'aventurez pas vos gains dans des spéculations. Vous, premier cocher de monsieur le vicomte de Saint-Rémy, c'est à qui vous voudrez avoir. On m'a justement parlé hier d'un mineur émancipé, un cousin de madame la duchesse de Lucenay, le jeune duc de Montbrison, qui arrive d'Italie avec son précepteur et qui monte sa maison. 250 000 livres de rente en terre. Mon cher Edwards, 250 000 livres de rente, et cela entrant dans la vie. 20 ans, toutes les illusions de la confiance, tous les enivrements de la dépense, prodigue comme un prince. Je connais l'intendant. Je puis vous dire cela en confidence, il m'a déjà presque agréé comme premier valet de chambre. Il me protège, le niais. Et M. Boyer leva les épaules en aspirant violemment sa prise de tabac. Vous espérez le débusquer ? Parbleu, c'est un imbécile ou un impertinent. Il me met là, comme si je n'étais pas à craindre pour lui. Avant 2 mois, je serai à sa place. 250 000 livres de rente en terre, reprit Edwards en réfléchissant. Et jeune homme, c'est une bonne maison. Je vous dis qu'il y a de quoi faire. Je parlerai pour vous à mon protecteur, dit M. Boyer avec ironie. Entrez là. C'est une fortune qui a des racines et à laquelle on peut s'attacher pour longtemps. Ce n'est pas comme ce malheureux million de monsieur le vicomte, une vraie boule de neige, un rayon de soleil parisien, et tout est dit. J'ai bien vu tout de suite que je ne serais ici qu'un oiseau de passage. C'est dommage, car cette maison nous faisait honneur et, jusqu'au dernier moment, je servirai monsieur le vicomte avec le respect et l'estime qui lui est due. Ma foi, mon cher Boyer, je vous remercie et j'accepte votre proposition. Mais j'y songe. Si je proposais à ce jeune duc l'écurie de monsieur le vicomte, elle est toute prête. Elle est connue et admirée de tout Paris. C'est juste. Vous pouvez faire là une affaire d'or. Mais vous-même, pourquoi ne pas lui proposer cette maison si admirablement montée en tout? Que trouverait-il de mieux? Pardieu, Edwards, vous êtes un homme d'esprit, ça ne m'étonne pas. Mais vous me donnez là une excellente idée. Il faut nous adresser à monsieur le vicomte. Il est si bon maître qu'il ne refusera pas de parler pour nous au jeune duc. Il lui dira que, partant pour la légation de Gerolstein où il est attaché, il veut se défaire de tout son établissement. Voyons, 160 000 francs pour la maison toute meublée, 20 000 francs pour l'argenterie et les tableaux, 50 000 francs pour l'écurie et les voitures, ça fait 230 000 francs. C'est une affaire excellente pour un jeune homme qui veut se monter de tout. Il dépenserait 3 fois cette somme avant de réunir quelque chose d'aussi complètement élégant et choisi que l'ensemble de cet établissement. Car il faut l'avouer, Edwards, il n'y en a pas un second comme monsieur le vicomte pour entendre la vie. Et les chevaux? Et la bonne chère? Godefroy, son cuisinier, sort d'ici 100 fois meilleur qu'il n'est entré. Monsieur le vicomte lui a donné d'excellents conseils, l'a énormément raffiné. Par là-dessus, on dit que monsieur le vicomte est si beau joueur. Admirable, gagnant de grosses sommes avec encore plus d'indifférence qu'il ne perd. Et pourtant, je n'ai jamais vu perdre plus galamment. Et les femmes, voyez, les femmes. Ah, vous pourriez en dire long là-dessus, vous qui entrez seul dans les appartements du rez-de-chaussée. J'ai mes secrets comme vous avez les vôtres, mon cher. Les miens. Quand monsieur le vicomte faisait courir, n'aviez-vous pas aussi vos confidences? Je ne veux pas attaquer la probité des jockeys et de vos adversaires, mais enfin, certains bruits. Silence, mon cher Boyer. Un gentleman ne compromet pas plus la réputation d'un jockey adverse qui a eu la faiblesse de l'écouter qu'un galant homme ne compromet la réputation d'une femme qui a eu des bontés pour lui. Aussi, vous dis-je, gardons nos secrets, ou plutôt, les secrets de monsieur le vicomte, mon cher Edwards. Ah ça, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Partir pour l'Allemagne, avec une bonne voiture de voyage, et 7 000 ou 1 000 francs qu'il saura bien trouver. Oh, je ne suis pas embarrassé de monsieur le vicomte. Il est de ces personnages qui retombent toujours sur leurs jambes, comme on dit. Et il n'a plus aucun héritage à attendre? Aucun, car son père a tout juste une petite aisance. Son père, certainement. Le père de monsieur le vicomte n'est pas mort. Il ne l'était pas, du moins il y a 5 ou 6 mois. Monsieur le vicomte lui a écrit pour certains papiers de famille. Mais on ne le voit jamais ici. Par une bonne raison. Depuis 15 années, il habite en province, à Angers. Mais monsieur le vicomte ne va pas le visiter. Son père? Oui. Jamais. Jamais? Ah bah oui. Ils sont donc brouillés. Ce que je vais vous dire n'est pas un secret, car je le tiens de l'ancien homme de confiance de monsieur le prince de Noirmont. Le père de madame de Lucenay? Dit Edwards avec un regard malin et significatif, dont monsieur Boyer, fidèle à ses habitudes réservées de discrétion, n'eut pas l'air de comprendre la signification. Il reprit donc froidement. Madame la duchesse de Lucenay est en effet fille de monsieur le prince de Noirmont. Le père de monsieur le vicomte était intimement lié avec le prince. Madame la duchesse était alors toute jeune personne, et monsieur de Saint-Rémy père, qui l'aimait beaucoup, le traitait aussi familièrement que si elle eût été sa fille. Je tiens ces détails de Simon, l'homme de confiance du prince. Je puis parler sans scrupule, car l'aventure que je vous racontais était dans le temps la fable de tout Paris. Malgré ses 60 ans, le père de monsieur le vicomte est un homme d'un caractère de fer, d'un courage de lion, d'une probité que je me permettrais d'appeler fabuleuse. Il ne possédait presque rien, et avait épousé par amour la mère de monsieur le vicomte, jeune personne assez riche, qui possédait le million à la fonte duquel nous venons d'avoir l'honneur d'assister. Et monsieur Boyer s'inclina. Edwards l'imita. Le mariage fut très heureux jusqu'au moment où le père de monsieur le vicomte trouva, dit-on, par hasard, de diables de lettres, qui prouvaient évidemment que pendant une de ses absences, 3 ou 4 ans après son mariage, sa femme avait une tendre faiblesse pour un certain comte polonais. Cela arrive souvent aux Polonais. Quand j'étais chez monsieur le marquis de Senneval, madame la marquise, une enragée. M. Boyer interrompit son compagnon. « Vous devriez, mon cher Edwards, savoir les alliances de nos grandes familles avant de parler. Sans cela, vous vous réservez de cruels mécomptes. »« Comment ?»« Madame la marquise de Senneval est la sœur de M. le duc de Montbrison, où vous désirez entrer. »« Ah, diable !»« Jugez de l'effet. Si vous aviez été parler d'elle en des termes pareils devant des envieux ou des délateurs, vous ne seriez pas resté 24 heures dans la maison. »« C'est juste, Boyer. Je tâcherai de connaître les alliances. » Je reprends. Le père de M. le vicomte découvrit donc, après 12 ou 15 ans d'un mariage jusque-là fort heureux, qu'il avait à se plaindre d'un comte polonais. Malheureusement ou heureusement, M. le vicomte était né 9 mois après que son père, ou plutôt que M. le comte de Saint-Rémy, était revenu de ce fatal voyage, de sorte qu'il ne pouvait pas être certain, malgré de grandes probabilités, que M. le vicomte fût le fruit de l'adultère. Néanmoins, Monsieur le comte se sépara à l'instant de sa femme, ne voulut pas toucher un sou de la fortune qu'elle lui avait apportée, et se retira en province avec environ 80 000 francs qu'il possédait. Mais vous allez voir la rancune de ce caractère diabolique. Quoique l'outrage datât de 15 ans lorsqu'il le découvrit, et qu'il dût y avoir prescription, le père de Monsieur le vicomte, accompagné de Monsieur de Fermont, un de ses parents, se mit aux trousses du polonais séducteur et l'atteignit à Venise, après l'avoir cherché pendant 18 mois dans presque toutes les villes de l'Europe. Quel obstiné! Une rancune de démons, vous dis-je, mon cher Edwards. À Venise eut lieu un duel terrible, dans lequel le Polonais fut tué. Tout s'était passé loyalement, mais le père de M. le vicomte montra, dit-on, une joie si féroce de voir le Polonais blessé mortellement que son parent, M. de Fermont, fut obligé de l'arracher du lieu du combat. Le comte voulant voir, disait-il, expirer son ennemi sous ses yeux. Quel homme, quel homme! Le comte, lui, revint à Paris, alla chez sa femme, lui annonça qu'il venait de tuer le Polonais et repartit. Depuis, il n'a jamais revu ni elle ni son fils et il s'est retiré à Angers. C'est là qu'il vit, dit-on, comme un vrai loup-garou, avec ce qu'il reste de ses 80 000 francs, bien écorné par ses courses après le Polonais, comme vous pensez. À Angers, il ne voit personne, si ce n'est la femme et la fille de son parent, M. de Fermont, qui est mort depuis quelques années. Du reste, cette famille a du malheur, car le frère de M. de Fermont s'est brûlé, dit-on, la cervelle il y a plusieurs mois. Et la mère de M. le vicomte? Il l'a perdue il y a longtemps. C'est pour cela que M. le vicomte, à sa majorité, a joui de la fortune de sa mère. Vous voyez donc bien, mon cher Edwards, qu'en fait d'héritage, M. le vicomte n'a rien, ou presque rien, à attendre de son père. Qui, du reste, doit le détester. Il n'a jamais voulu le voir depuis la découverte en question, persuadé sans doute qu'il était le fils du Polonais. L'entretien des deux personnages fut interrompu par un balai de pied géant, soigneusement poudré, quoiqu'il fût à peine 11 heures. « Monsieur Boyer, monsieur le vicomte a sonné 2 fois, » dit le géant. Boyer parut désolé d'avoir manqué à son service, se leva précipitamment et suivit le domestique avec autant d'empressement et de respect que s'il n'eût pas été le propriétaire de la maison de son maître.